En Grande-Bretagne, le comité préparatoire pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes vexés 2017, l'association d'études de la politique de Sungun, le cercle d'études des idées du Jutsu et l'association d'amitié avec la Corée ont publié le 1er août une déclaration conjointe contre la conduite pro-américaine de la bande de Bakune qui a décidé la disposition du site en Corée du Sud.